Yeah, now I say, hey, yo, what up? Shining my pot too, baby. Yeah, what's c'est cool? Stratège, Ray Ray. C'est my concession, yo. Check it out, that's how we do it, yo. Yo, what up? Hey, yo, we in the slums. At night, cops are running from. Kids try to act ill, so now we're getting dumb. Ill thugs look for beef, they gonna get some. In the direction, hit them or bat them, watch them turn them. Meanwhile, envisions are going platinum. Honey's a mac, I'm back on my patties and I pass them to who, yo? To the next nigga in my clique. Cause I got sick of all these ill tricks, trying to sell my dick. And nowadays, my life is like a flick. An ill flick with kids that sick, try to sick my shit, yo. Give a damn, kid, we'll never quit. Never. Raise a sharp big point at your wigs, and now that I'm legit. Son, I wish I had a scholarship for robbing shit. That way we live our whole life up in the finest crips. Instead this rap game, we mastered it. Get it bent on some liquors. Coming straight out of my cabinet, I'll handle it. After that, I'll get scandalous. Fucking ill type women, that'd be fabulous. Don't give a fuck if you think we callous. From Montreal to Dallas, the outcome can be disastrous. Kick ass fast and got my palace. So if it burns to the ground, I resurrect out of my ashes. It's true words from a ghetto bastard. But everything we done did in the past, it never mattered. Écoute de bonne tête, non, je n'en peux plus. J'en ai marre de toujours être pris au dépourvu. Problème d'argent chaque jour de l'année. Je te dis que parfois j'aimerais ça pouvoir m'évader. Et trop de bonnes têtes, non je n'en peux plus. J'en ai marre de toujours être pris au dépourvu. Problème d'argent chaque jour de l'année. Je te dis que parfois j'aimerais ça pouvoir m'évader. Et trop de rumeurs, de blabla, de faux frères, tu parles trop. C'est bonjour, ta figure est un poignard dans le dos. Des hypocrites de première classe, sans classe, sans remords, qui se prennent pour des stars, mais qui n'ont pas fait l'effort. Ne sous-estime pas cet homme, je suis rusé, tel un renard. Attention à ta personne, mon retour je prépare. 12 mois d'hibernation, renaissance complète, une retraite volontaire. Comme dit la fleur à Québec, je respecte l'intellect de l'homme lorsqu'il est présent, mais ton cas est différent. Comme on dit, tu es impotent. Bad boy le samedi, à l'église le dimanche, rira bien. Qui gagnera cette manche? Y'en a marre de voir mes frères vivre à moitié, rêve délaissé. Il nous manque sérène pour pouvoir chiller. Concentré sur le son, les architectes, le billet sur la pédale. 5-1-4, y'en a marre de vivre la dalle. Écoute de bonnes têtes, non, je n'en peux plus. J'en ai marre de toujours être au pire au dépourvu. Problème d'argent chaque jour de l'année. Je te dis que parfois j'aimerais ça pouvoir m'évader. Et trop de bonnes têtes, non, je n'en peux plus. J'en ai marre de toujours être pris au dépourvu. Problème d'argent chaque jour de l'année. Je te dis que parfois j'aimerais ça pouvoir m'évader. Yo, sometimes this reality sucks with no box. And in the lane these niggas can't post up. Why they consume illegal products? The tow trucks couldn't pull. Tired of the bull but staying an optimist. Seeing my cup is half full. They hurt us like some cattle up in the public transporter. It's manslaughter recorded on my camcorder. But that's water under the bridge. Chill in the fridge, I'm willing to give. First make the decision to live. This life to the fullest. Riding a bullet, stretched out from here to Zurich. Black hooded but never flat footed. Rap put it on me to be the illest MC. Nobody iller than P. Form a conspiracy of tyranny to vividly represent the benevolent and learn new ways to exist through a scientific experiment. Like typical merriment displayed when a student gets an A grade, a criminal gets paid. But through a useless trade, a game my crew once played with slugs ricocheted. Kids got slayed to have it made. Cops raid, form a barricade. Don't let them in, just trying to rap, sing, do my thing. They always mad. Be fucking with the veteran, yeah. Me and my brethren got hate in our heart and don't wanna start our adrenaline developing into an angle so sharp, it cuts just like Gensu. Correlated to what I've been through. Christian or Hindu, this existence is never simple. Just be nimble, a boss dynasty as my symbol to rekindle these lost flames, to scorch brains to my low reigns. Illegalize these war games, it's just more chains to hold. And some things are still unattainable when we pay in full. And we are capable of getting more. Just push the pedal to the metal so we can settle a score. Commence a civil war against cats, you make a sinner roar. That's immature. You pour you and your crew to Singapore. What? Say cool, huh? Yeah, strategy, Ray Ray, baby. Yeah, come on. J'en ai marre de toujours être pris au dépourvu. Problème d'argent chaque jour de l'année. Je te dis que parfois j'aimerais ça pouvoir m'évader. Architecte, trop de mots de tête, non, je n'en peux plus. J'en ai marre de toujours être pris au dépourvu. C'est quoi? Problème d'argent chaque jour de l'année. Je te dis que parfois j'aimerais ça pouvoir m'évader. Évader, yo. Trop de mots de tête. Word up. Trop de mots de tête. Come on. J'en ai marre, yo. Partout. Yeah. On a tous marre.